Je cuisinais des hot dogs dans le bout de ma gueule, dans un stand à patates sur le bord de la 134. C'était à cause d'un gars qui m'avait dit d'aller là, m'avait dit qu'il y avait ben de la job dans le bout de ma gorge. Là j'ai l'air fin avec ma calotte, elle reste tout le temps crochetée dans la hotte. En plus d'hotte, là c'est même pas réglementaire, y'a de la graisse qui coule dans les hamburgers pis par terre. J'chante tout le temps la patate. Tu devrais voir ma cravate. Elle passe toute la maudite journée à tremper dans l'huile la patate frite usée. J'd'aille pas m'y brûler. J'passe toutes mes journées à brûler en faisant cuire des boulettes de steak haché. Crèche pas habile de mes mains. Écoute, dans vie, moi j'fais rien qu'être un musicien. Hey mon chum, va te prendre deux cheese avec un frit. Hey, t'as-tu ça à des trios, toi? Des trios genre poutine? Hey, t'as pas mis de maillot dans mon hot dog, chum, hein? Hey, t'avais dit relâche moutarde, mon chum! Est-ce que t'as-tu ça des petits cups, genre des petits cups de ketchup ou... Hey, excuse, mon petit gars, il a échappé son compte, t'as-tu ça une napkin? Deux cheese avec un rose beef. Ah, le nouveau trio Mega Hot Dog, genre ketchup mayo. Ah, puis move un peu, je suis pressé. J'travaille avec une grosse obèse. Elle sent tout le temps la graisse. Tout son salaire, il passe dans la caisse. Je suis bon, mais elle me trouve dans d'adon. Triste bonne raison pour me toucher. Quand elle fait ça, j'ai rien envie de la pousser. Elle tout crisse et ça là. Et je vais retrouver ce gars-là qui m'avait dit qu'il y avait ben de la job dans le bout de ma gueule. Sa mère la reconnaîtra plus.